Je serai là, près de toi. Même si je sais, tu ne me vois pas. Je marcherai dans tes pas. Même dans le ciel, tout contre toi. Ton ange gardien, le jour, la nuit. Ton âme sœur au paradis. Je t'aimerai même dans la mort. Car mon amour est bien trop fort. Pourquoi la vie nous a fait ça? Pourquoi tu n'es plus auprès de moi? J'ai tant pleuré, j'ai tant crié, priant les cieux de te laisser me dire encore une fois que toute la vie tu n'aimerais que moi. Je viendrai tous les soirs te parler. Dans tous tes rêves, mon adoré. Tu es parti, tu n'as laissé que des souvenirs, mon adoré. Je me rappelle de tes baisers, comme si tu venais. Mon amour.